Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, après une absence d'une semaine, nous voilà de retour pour un sprint final avant les fêtes. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, content d'être là et accompagné de mon comparse Roux, hein? on le dit à chaque émission pour le rappeler. Et il est là comme à son habitude de lui aussi, M. Andrew Castegan. Bonjour, M. Michaud. Comment ça va? Ça va, mais je n'accepte pas ce titre. Le roux? Non. Maintenant, je suis roux avec cheveux courts. Avec cheveux courts. Faut spécifier. Contrairement à moi, qui redeviendra blond avec cheveux longs, comme à une certaine époque. Et oui, mesdames et messieurs, j'oserai retourner aux cheveux longs. Donc, je m'excuse si vous voyez des photos de moi avec une coupe de cheveux, ce que j'appelle la coupe de cheveux Roger. Donc, l'entre-deux qui n'est pas très beau, là, je m'excuse déjà. Oui, mais tu seras, Mike, tu seras toujours beau bonhomme. Ben, je sais, écoute, mais... Bref, arrêtons de parler de ma beauté plastique et allons directement au vif du sujet. Eh bien, on va parler de puissance maximale, bien évidemment, de notre émission de cette semaine. Et monsieur Castegan, cette semaine, on va avoir une chronique préenregistrée avec monsieur Diego Lamana qui va nous faire un petit top 3 des jeux qu'il propose pour le temps des fêtes comme cadeau. Et vous allez voir, ce n'est pas spécialement parce qu'il préfère les jeux indie, mais bien parce qu'il a préféré ces trois jeux indépendants-là qu'il va nous les proposer. Vous allez entendre ça tout de suite après la première pause musicale. Après ça, il y a moi qui va faire un petit retour rapide sur Assassin's Creed 4. Je me suis procuré ça sur version PC et je vais vous raconter ça, mon expérience avec Assassin's Creed 4. Et on va revenir aussi après avec une entrevue avec une des organisatrices de la Fiesta ludique de Québec qui a eu lieu il y a deux semaines. On est allé faire un tour là-bas, moi et Andrew. Un franc succès encore cette année. On a parlé avec Hélène Vignon, une des organisatrices. Et je vais vous lire moi-même une lettre envoyée par notre ami Chantal Campagna, alias Fräulein Evil, de Distribution d'Aude, qui va nous faire des suggestions de jeux. Malheureusement, elle n'était pas disponible. Elle était sur la route toute la journée aujourd'hui, mais elle a pris quand même le soin de m'envoyer une petite lettre pour vous, chers auditeurs, que je puisse vous donner ses suggestions cadeaux de cette année. Comme à notre habitude, on va vous rappeler rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Donc, vous y allez pour retrouver toutes nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres. Allez surtout sur Facebook. Donc, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Après ça, vous appuyez sur le bouton J'aime parce qu'on vous aime, nous, mesdames et messieurs. Et on voudrait en même temps que vous en profitiez pour partager la page de Puissance Maximale auprès de vos amis geeks et même ceux qui ne le sont pas, qui voudraient découvrir justement les univers geeks. Ben, je pense que Puissance Maximale est un très bon endroit pour commencer, bien évidemment. Donc, proposez la page de Puissance Maximale. Et il est temps, M. Castegan, de commencer en musique. Et là, vu que le temps des fêtes arrive, je sais que Joey, de Secteur 51, en a déjà parlé. Et on va commencer un peu avant. Lui, il voulait commencer ça le 13. Nous, on commence ça aujourd'hui. On va y aller avec une sélection. On en fait jouer habituellement à chaque année à Puissance Maximale. Mais ça va être encore plus vrai cette année avec du Noël dans la rue. Et aussi avec d'autres chansons avec une thématique de Noël, ou du temps des fêtes en tout cas, et aussi avec... Nous, il y a de la neige dehors. En plus, il neige un petit peu. Il y a une règle non écrite qui dit, tant qu'il y a de la neige, on peut jouer des tunes de Noël. Non, ça c'est n'importe quoi, Andrew. Oui, je sais. Le 26, on arrête de jouer les tunes de Noël, puis c'est les tunes du jour de l'an. Puis le premier, bon, on fait encore jouer les tunes du jour de l'an, parce que c'est moins pire que les tunes de Noël. Mais on va vous commencer ça assez rough, mesdames et messieurs, comme émission, avec Mononcle Serge et sa chanson « Noël est un jour comme les autres ». Attention aux oreilles chastes, ça va faire mal. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Hostique, c'est dole. Le vieux pédophile en soutane est heureux de voir autant d'enfants dans maison de Dieu. La chorale des grosses matantes chante des cantiques de cave. Les bonhommes cochons tiquent le cul des petits blottes de 16 ans pis ils bavent. Les flots impatients y'en ont rien à crisser. Pensez qu'au cadeau pour les gâter. Crée ce petit bon de la marde. Me semble qu'il y a des volets qui se parlent. Quand on rentre à maison, j'irai bien dormir dans mes draps. Mais non, y'a l'hostie de réveillon pour manger des tabarnak. Mais qu'à point que je me dis, on dit mieux que ben d'autres. Parce que Noël est un jour comme les autres. Pour le tinec qui a faim. Le petit nég, il croit pas en Jésus le petit nég. Il reste en neuf nég qui a faim bien mag. Encore quatre cadeaux qu'il faut que j'achète. C'est plein de monde partout, ça capote ben raide. Il me reste rien qu'une heure, m'en péter aux frettes. Partout les speakers crash, Bruno Pelletier qui chante Noël. Claude Dubois, Sylvain Cossette, Mario Pelchon, Marie-Michel. Qu'est-ce que je les snoggerais toute la gang. J'sortirais mon slingshot et flingue. Les boss sur leur crâne seraient plus belles que toutes ces 5-6 boîtes de boules de Noël. Mais je laisse planter en deux vacances. J'fais vite comme eux autres pour passer à caisse. Que c'est que j'fais là? Tout ça est grotesque. Qu'est-ce que j'ferais une ligne de messe? Wouah! Mais les nerfs, rien sans terre. C'est pas plus grave que ça. Parce que Noël est un jour comme les autres. Pour le tinec qui a le sida. J'pense à la fille du IGA, j'sors ma graine puis j'me crosse. Pendant ces quelques secondes au moins, on dirait que j'ai moins mal à la tête. Et que le tabarnak de temps des fêtes et ton père vont du loin. Le gros vieillard par plus rouge tomate, les parties de famille super nattes. Les matantes qui s'forcent pour finir leurs assiettes. Puis après les fêtes, se mettent à tienne. Regarde un peu autour de toi, les fêtes sont atroces. Tout le monde s'force pour être souriant, mais on se fait chier à l'os. Et c'est Noël pour nous autres, c'est l'apothéose de notre insignifiance. On se croit en passant que pour le nègre de flingue, c'était notre jour d'indigence. Le petit nègre, il meurt, on s'en tabarnak, on est plein de cadeaux. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une nouvelle chronique avec M. Diego Lamana. Et comme vous vous doutez, là, puisque Noël s'en vient et la fête de l'année également, ben avec Diego, on a parlé de vous sortir ses moments geek préférés. Mais là, je pense que Diego, tu as quelque chose de particulier pour nous. Tu vas nous parler de jeux indépendants. Oui, je vais te parler de mes coups de cœur 2003, qui sont en fait trois jeux indépendants. Puis là, c'est ça, c'est pas parce que t'aimes pas les autres jeux, là, j'imagine. Là. Non, ben on en parle beaucoup là, GTA 5, BioShock, Assassin's Creed, on en parle déjà beaucoup. Donc, simplement, les jeux qui m'ont vraiment le plus fasciné cette année, c'est trois jeux indépendants. Donc, okay. Je vais vous présenter mon top 3 de l'année 2013. Il se peut quelquefois que je mette volontairement d'inclure des détails relativement importants dans ma critique. La raison est simple, c'est que j'essaie de maintenir le plus grand suspense des éléments qui, je crois, devraient être découverts par le joueur en jouant et non pas en entendant parler du jeu. Donc, le moins de spoilers possible. Excellent. Ben, écoute, les auditeurs vont t'en remercier grandement. Et on va, vu que c'est un top 3, nous allons donc commencer avec ta troisième position. Oui, c'est le jeu d'observation Paper Please, un jeu à un seul joueur qui est disponible seulement sur Steam, pour Mac et pour PC à 9,99. Ce jeu est sorti grâce au programme Greenlight, Lumière verte de Steam, qui permet aux développeurs indépendants de proposer des jeux sur la plateforme qui, s'ils sont votés pour, vont être vendus sur la plateforme. Donc, ça fait une belle publicité pour ces jeux-là. Disons qu'en plus, Steam, c'est une méchante bonne plateforme de diffusion. Absolument. Ça vaut la peine de participer. Oui, donc c'est les utilisateurs de Steam qui décident les jeux qui seront présentés dans le programme, qui vont passer le test du programme. Excellent. Donc, ce jeu-là, Paper Please, est développé par une seule personne, Lucas Pope, qui a travaillé pour Uncharted 1 et 2 à Naughty Dogs. Il propose aussi d'autres jeux sur sa page web, là, dukope.com. Des jeux très intéressants qui ressemblent un peu à Paper Please. Donc, je vais commencer par décrire le contexte fictionnel du jeu avant d'aller vers les mécaniques. Le jeu se déroule dans un pays communiste fictif, Artroska, en 1982, qui termine une guerre avec son voisin. Et dans la trêve, les deux nations se sont séparées une ville frontalière, Krestin. Ça ressemble pas mal à Berlin au scénario de la guerre froide. Dans le contexte, on a été tiré au sort pour travailler au poste frontalier en tant que douanier. Donc, le rôle est assez simple, c'est vraiment de vérifier les papiers, s'assurer que tout est en ordre, selon les règles dictées par le ministère, et passer au prochain client. Ah, c'est bon. J'avoue que c'est un concept qu'on voit pas souvent. Oui, assez simple, qui mimique assez bien la vie d'un fonctionnaire, j'y reviendrai tantôt. Mais tout n'est pas si simple, évidemment. Il y a des attaques terroristes, on est en situation de guerre, les politiques d'immigration deviennent de plus en plus complexes, l'État exige de plus en plus de paperasse. Donc, les mécaniques du jeu se complexifient de jour en jour. OK. Donc, la mécanique est assez simple, c'est l'observation de documents, des passeports, les cartes d'identité. Et aussi, il faut vérifier si la date de naissance est la bonne, si c'est le bon numéro, si c'est la bonne photo. Donc, on fouille, on interroge. On procède par une mécanique de point and click, vraiment simple, avec la souris, en mettant en lien les informations. Donc, on fait recherche, tu cliques sur la date de naissance, l'autre date de naissance, pas bon, dites-moi pourquoi. Donc, ensuite, on décide si la personne rentre ou rentre pas dans le pays. OK. C'est bon, ça. J'aime bien ça, moi. Oui, oui. Au début, tu trouves ça très simple, puis après ça, tu découvres des truc assez intéressant. C'est ça, la complexité s'installe au fur et à mesure. Oui, oui, oui, absolument. On joue à chaque jour, donc c'est ça. Il y a un bon flow, si on veut, là, dans le jeu. Là. On apprend une étape à la fois, là, un procédé de vérification à la fois. Et au niveau visuel, ça ressemble à quoi? Oui, c'est ça, c'est très rétro. Ça revient aussi au jeu des années, début des années 90, 8 bits. L'écran de jeu est divisé en trois, c'est pas tout le temps la même chose. En haut, la vue sur le lieu de travail, donc la frontière, c'est là que les attentats terroristes vont se passer quand on les voit. En bas, on voit la personne qui veut rentrer dans le pays, puis à droite, c'est notre poste de travail. Ce qui est assez intéressant, c'est que le poste de travail est assez petit, donc il faut gérer tous les documents dans un à peu près un peu plus que le quart de notre écran. Donc ça vient jouer un peu là, sur la vitesse à laquelle on peut travailler. Jouer ou travailler, là, ça, tout dépend. Oh oui. Donc, c'est ça. Donc, comme c'est un travail qu'on fait dans le jeu, tout travail mérite salaire. Donc, après chaque journée de travail, on gagne un montant d'argent selon notre productivité. OK. On doit budgéter selon notre capacité, selon l'argent qu'on a fait. Évidemment, il faut nourrir, loger, chauffer le logement de sa famille. Puis peut-être si on est capable d'économiser un peu. Ça okay, c'est pas juste une histoire de gestion de poste de douane, mais on gère aussi notre petite vie sur le côté. Oui, ça c'est assez simple. C'est vraiment plus point de vue qu'il faut survivre, disons. OK. C'est plus réussir à survivre qu'autre chose. Donc être assez productif pour réussir à manger le soir. En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment axé autour de la vie d'un fonctionnaire, le jour et le soir. Et la mécanique du jeu reflète merveilleusement bien ça. On doit organiser son poste de travail, comme je disais tantôt. On doit éviter les erreurs si on a des amendes. Si on a trop d'amendes, on n'a pas assez d'argent pour manger le soir ou pour payer des médicaments à son fils qui est malade, des choses comme ça. Oh, comme je le disais, l'histoire, c'est vraiment un thriller d'espionnage. Les autres appellent ça un dystopic document thriller. Dans lequel le joueur peut jouer un rôle, en fait, plusieurs, selon les actions qu'il choisit, parce que c'est vraiment un récit par arborescence. Donc, il y a plusieurs tournants qu'on peut prendre et on peut revenir à la fin. Donc, c'est ça, il y a 20 fins, 17 game over et 3 fins positives. Oh, OK. Puis ça améliore, Oui, ça améliore vraiment la rejouabilité. C'est vraiment intéressant. Ben oui, j'avoue, avec un 17 game over, disons qu'on a, on espère pouvoir pogner les fins positives à un moment donné. Oui, mais même les game over sont pas sont fort intéressants aussi. Oui, j'imagine. En plus, c'est que le jeu a un système de sauvegarde spécial. Donc, tous les jours de travail, ça permet de revenir en arrière, de choisir une journée précédente qu'on a faite et de repartir de celle-là. Donc, ah, OK. C'est beaucoup plus simple. C'est pas, on n'a pas un nombre illimité de choix. Donc, il y a un nombre de cases de sauvegarde disponibles, mais assez pour pouvoir tenter pas mal de choses. Ah, c'est intéressant, ouais. Ça. Donc, en résumé, c'est un jeu fort plaisant pour ses mécaniques simples, l'observation, un peu de puzzle, mais qui s'additionne rapidement, devient complexe. Puis l'univers fictionnel et le thriller qui est proposé, le récit est vraiment intéressant, surtout pour les amateurs de fiction politique et d'espionnage. C'est un fort, fort amusant comme jeu. Good, excellent. Et comme deuxième choix, Diego? Oui, deuxième choix, ça va être un petit peu plus rapide parce qu'Andrew en a déjà parlé lors de l'émission où vous aviez déversé votre fiel sur les achievements. Oh oui! C'est The Stanley Parable, créé par Galactic Café. Oui! Un autre jeu indépendant disponible sur Steam pour 15$, celui-là. Mais il y a un démo qui est gratuit. En fait, à mon avis, le démo et le jeu sont deux objets qui liés un à l'autre qui peuvent se... dont lesquels on peut s'amuser là, séparément. C'est pas, okay. Le démo n'est pas exactement le jeu et nous propose quelque chose d'autre. Ah, c'est le fun, ça? Oui, donc il vaut la peine de jouer même si on achète le jeu. C'est vraiment difficile de parler de ce jeu-là sans ruiner une quelconque partie de l'expérience vidéoludique qu'il propose, mais je vais traduire la description laconique qu'en font les développeurs sur le jeu. C'est pas mal la seule chose qu'ils disent sur le jeu, sur leur page web. The Stanley Parable est une exploration de récits, de jeux et de choix. Toutefois, l'histoire n'a pas d'importance. Ce n'est peut-être même pas un jeu. Et si vous pensez vraiment eu un choix quelque part à faire, dites-nous comment vous avez fait. OK. J'avoue que donc, c'est assez obscur comme description. Oui, donc c'est un jeu vidéo qui n'est pas vraiment un jeu. C'est un peu bizarre. C'est davantage une expérience vidéoludique. Ça met... je recommande surtout ce jeu-là pour des joueurs qui cherchent une expérience nouvelle dans le jeu vidéo, qui aiment bien le méta-jeu, dans le sens un jeu qui parle des jeux, qui va les déranger, qui va les faire rire, qui va les faire réfléchir sur les codes et les conventions du jeu vidéo. C'est vraiment un jeu très spécial pour ça. Mais c'est intéressant, justement, dans le cadre un peu là, de ta chronique, là, on dit de la chronique académique, oui. Justement pour aller au-delà du jeu, puis reconnaître ses codes, puis les expérimenter autrement, j'avoue que ça doit être assez intéressant comme expérience. Oui, sans trop te permettre de spoiler, donc c'est ça, c'est quand je dis qu'on joue sur les codes et les conventions des jeux, on va par exemple, le menu a peut-être un rôle plus important que simplement d'être un menu de choix. Il fait peut-être partie du jeu d'une autre manière. Donc, c'est vraiment, on va vraiment loin avec ce jeu-là. Il a très bien été designé. Il a été pensé d'un bout à l'autre. Il n'y a pas vraiment de faille dans ce jeu-là. Excellent. Et après le numéro 2, on a évidemment le numéro 1. Oui, le numéro 1, c'est un autre jeu indépendant, comme en veut mon thème aujourd'hui, qui s'intitule « Sans froid, A Tales of Werewolves », développé par Artifice Studio. Il y a deux raisons fondamentales qui m'ont poussé à choisir ce jeu-là comme premier, comme mon jeu préféré de l'année. D'abord les mécaniques et ensuite, on y reviendra tantôt. Côté jouabilité, ça mêle plusieurs éléments de divers genres vidéoludiques. C'est principalement un jeu de stratégie avec des éléments de tower defense, de RPG et de combat. OK, c'est assez complet comme jeu. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment, c'est un jeu hybride. Ils ont vraiment mêlé pas mal de choses, mais ça se tient. Il y a pas, c'est pas, ça se marie bien tout ça. Oui, ça se marie bien parce que c'est vraiment axé sur peut-être un combat stratégique avec quelques petits éléments de RPG, mais ce sont minimes. C'est beaucoup plus des éléments de stratégie, donc des arbres de technologie, si on veut, plutôt que des éléments de RPG, là, de sorts ou de choses comme ça. OK. Donc, le jeu consiste à défendre notre maison et d'autres bâtiments d'attaques de loups, de loups-garous et d'autres créatures des bois. Le jeu se fait en deux temps. Dans le jour, c'est la préparation stratégique. On pose des pièges, on élabore notre plan sur une carte et on achète l'équipement. Là, quand la nuit arrive, les loups sortent. On se retrouve dans une perspective à troisième personne, dans un monde tridimensionnel, un peu à la GTA. Et on doit mettre notre plan à exécution pour survivre jusqu'au matin. Ils ont vraiment développé des mécaniques de jeu particulières qui viennent agrémenter, ajouter du défi. Un exemple, on doit faire attention au bruit qu'on émet quand on marche ou quand on court ou quand on tire, qui peut attirer les créatures, mais aussi à la direction du vent qui propage notre odeur. Tout ça est indiqué sur une petite mini-map et c'est assez facile à utiliser et à comprendre. Ah oui, mais j'avoue que ouais, c'est le fun comme mécanique, surtout justement là, dans l'optique là, des animaux, des créatures. À part les loups-garous, y a-tu d'autres créatures fantastiques ou c'est... Oui, il y a plusieurs types de loups, plusieurs types de loups-garous. Ensuite, donc c'est ça, je vais y revenir un peu plus tard parce que ça va voler. Okay. La deuxième raison. Donc, comme je disais, la mécanique de sang-froid est assez innovatrice. Dans le monde vidéoludique, c'est assez rare qu'on voit des jeux qui tentent vraiment de révolutionner les mécaniques de jeu établies du RTS ou du jeu Tower Defense. Mais par exemple, à mon avis, ce ne serait pas suffisant pour détrôner les deux jeux que je vous ai parlé précédemment. La véritable raison qui m'a fait choisir Sang-Froid, c'est son cachet particulier, c'est qu'il a été créé par 6 Québécois au Québec. Oh. Et l'histoire du jeu se déroule en 1858 au Bas-Canada, à Val-des-Loups, sur les rives du Saguenay. Donc, c'est vraiment ça qui rend le cachet du jeu. Donc, quand tu me posais la question, est-ce qu'il y a d'autres créatures, il y a aussi des loups-garous de descendance amérindienne. Ah, OK. Donc, c'est pas uniquement l'histoire québécoise, c'est aussi l'histoire amérindienne et les mythes. C'est qu'avec ton numéro 3, là, quand même une petite tendance historique là, dans ton top 3. Oui, historique, politique, oui, effectivement. Oui, ouais, c'est pas trop... Dans celui-là, c'est pas ça vient vraiment juste mettre en contexte le jeu. Et ce qui est vraiment... en plus, c'est ça, l'histoire du jeu de Sang-Froid a été coécrite par Brian Perrault, l'auteur d'Amos d'Aragon. Ah, ben, ce qui ajoute vraiment une profondeur merveilleuse au jeu et surtout au récit du jeu. Ah oui, c'est comme auteur, on peut pas se plaindre, effectivement. Ouais, on a une sommité en plus avec son bestiaire que Brian Perrault avait sorti également là, sur les créatures fantastiques. Là, on est en plein dans ce contexte-là, justement. Absolument, donc c'est ça, c'est pas sorti de nulle part, l'histoire, c'est vraiment ancré dans les traditions, dans les contes et le folklore, un peu la chasse-galerie, c'est surtout une histoire de démon, du diable, avec un maire menteur et un curé corrompu, donc très québécois comme histoire. Oui. Fait que dans le jeu, c'est ça, on incarne deux frères, Léo Carroll, T-Joe et T-Jack, qui doivent défendre sa sœur du diable qui envoie les créatures pour la capturer, justement. Ah, le mot diable. Oui. L'histoire se marie parfaitement avec les mécaniques du jeu. En plus, j'ai le cachet québécois, le jeu propose tous les dialogues audio. Okay. Donc, tous les dialogues sont audio, ne sont pas juste écrits, et ils sont disponibles en français. En fait, pas vraiment, ils sont plutôt disponibles en québécois. Yeah! Excellent. Parce qu'on n'entend pas des « je suis allé », on va entendre des « j'étions allé », des sacres, des autres parlures... Donc, ils ont vraiment tout mis là, dans le cachet québécois. Cool. Il est aussi disponible en anglais pour les autres, mais par contre, semble-t-il que c'est un point négatif en anglais, les dialogues. Mais en français, par contre, ça amène beaucoup. Brian Perrault fait même la narration des tutoriels dans le jeu, qui explique comment utiliser les pièges. Ce qui est un bel petit... il se présente au début, c'est assez drôle. Un petit clin d'œil en même temps. Ah, c'est le fun. Oui, oui. Donc, c'est ça, c'est un conte de loup-garou. Pourquoi c'est mon jeu de l'année? C'est parce qu'il mêle extrêmement bien un riche récit ancré dans les racines folkloriques québécoises et que c'est le récit est intrinsèquement bien lié à la jouabilité qu'il propose. C'est vraiment génial la manière que ça se marie. Par exemple, on a des fusils pour combattre. On peut se combattre à la hache ou au fusil. Mais en 1858, on devait recharger notre mousquet. C'est plus un mousquet qu'un fusil. Oui. Fait que ça prend du temps. Donc, c'est une mécanique qui est implantée dans le jeu. Ça rentre dans la stratégie, va dépendre de ça aussi quand on va se défendre. Oui, mais ça va nous prendre un 5-7 secondes à recharger notre fusil en cliquant sur le bouton droit de la souris, par exemple. Okay. Donc, c'est stressant quand tu es entre 5-6 loups qui t'attaquent, c'est quelque chose. un autre détail qui n'a pas été oublié dans le cachet, c'est la musique. Encore du bon folklore québécois qui vient ajouter encore une autre couche à saveur locale. Mais qui va quand même fonctionner à l'extérieur des frontières du Québec. Ben oui, avec la musique, la parlure, le contexte et tout, là, en plus d'être ça a l'air d'être justement un excellent jeu, ça s'offre très bien, Noël, en plus. Oui, ça sera très bien à Noël. Donc c'est ça, c'est rare qu'on a... D'abord, c'est rare qu'on ait un jeu en français. Et c'est rare qu'on ait un si bon jeu en français. Bon, dans le sens qu'il a été d'abord fait en français, c'est clair. Ça, ouais. Ça se voit tout de suite. Et par exemple, quand je dis on... pour aller chercher nos pièges ou pour ne pas bénir nos armes, on va au couvent. OK. Notre-Dame du Verglas. Ou acheter de l'eau de vie, de la bière d'épinette, du caribou, qui prennent le rôle de potion à l'hôtel du Draveur assoiffé, par exemple. Donc, j'aime ça, moi. j'aime beaucoup ça. Oui. Donc, peut-être le point un petit peu moins positif, un mode coop aurait été vraiment parfait pour ce jeu. C'est peut-être en développement et ça, il marque que c'est le tome 1 au début du jeu, donc il faudrait voir si un tome 2 va être lancé dans le futur, ce qui serait fort intéressant. Et un autre point, c'est que c'est pas un point négatif, parce que ça aussi c'est assez rare dans le monde vidéoludique aujourd'hui, c'est que c'est un jeu qui est assez difficile et il laisse pas beaucoup de place à l'erreur. Donc, ils vont commencer, ils disent en partant, c'est difficile, regardez les conseils stratégiques qu'on va vous donner avant chaque mission. Mais, donc ça a bien été, il y a des vidéos aussi sur YouTube, les développeurs ont fait une vidéo, là, un speedrun pour montrer un peu comment réussir toutes les missions. C'est quand même assez difficile, c'est ce qui rend aussi l'intérêt du jeu. Là. Donc, tu sais, c'est rare que tu meurs dans un tutoriel, là, mais ça, ce serait le jeu où est-ce que ça peut arriver. Ah, OK. Ben, excellent. Vois, Jean. Écoute, Diego, vraiment, en tout cas, les deux premiers jeux que tu nous as proposés avaient l'air vraiment intéressants, mais je dois dire, comme toi, j'accroche beaucoup sur Sang-froid contre de loup-garou. Oui. Donc, ça, on peut trouver ça sur quelle plateforme déjà? Uniquement sur Steam encore. C'est un jeu PC. En PC Steam, il n'est pas disponible en magasin. Donc, uniquement sur Steam pour 15$. Ça aussi, c'était un jeu qui a passé par le Greenlight de Steam. Donc, une belle réussite pour ce petit studio québécois qui est à son premier jeu, Artifice Studio. Excellent. Et on rappelle rapidement, ton numéro 2, c'était Stanley Parable de Galactic Café, disponible également sur Steam. Et ta troisième position, Paper Please, qui est disponible également sur Steam, Mac et PC. Merci beaucoup, Diego, de nous avoir parlé de tous ces beaux jeux pour notre temps des fêtes qui s'en vient. Je vais en profiter de la part d'Andrew également, puis de toute l'équipe de Puissance Maximale pour te souhaiter un joyeux temps des fêtes et une belle année ludique qui s'en vient. Bien, merci beaucoup, Mickaël. À vous aussi. 96.9 CJMD 96.9, la radio qui s'implique au cœur de sa communauté. 私は、日本では、ナルトだけじゃなくて、みんなさん、みんなで、囲碁をしている、そしてな、ケベックにも、囲碁をしてください、今からプイサンスマキシマル来てください。 Et oui, de retour à puissance maximale après notre entrevue qu'on a faite avec Diego pour son top 3 des jeux de l'année, qui ont tous été des jeux indie, comme vous avez pu le remarquer. Après ça, on a entendu la chanson Silent Night, Blasphemous Night du Dagon Tabernacle Choir. En fait, ça vient d'un album qui s'appelle A Very Scary Solstice, un album de Noël sous le thème, en fait, du mythe de H.P. Lovecraft, donc Howard Philip Lovecraft, auteur américain du 19e siècle, qui a écrit surtout dans le roman d'épouvante, fantastique, d'horreur. Et donc, voilà, ils ont fait un album avec ces mythes-là. Et on vous a passé une chanson de cet excellent album dans vos oreilles. Puis en plus, on a eu, pardon, une présentation en japonais. Tout ça pour nous amener à ma petite critique rapide là, d'Assassin's Creed 4. Tout était relié. Tout à fait, tout était relié, Lovecraft, le japonais et les pirates, même combat. Ben, en fait, Cthulhu a sûrement en fait, inspiré les japonais avec leur mythe de Godzilla et de leurs monstres géants. Et Cthulhu dort dans le Pacifique et dans l'eau, donc aurait pu intercepter des pirates. C'est peut-être un kraken. Peut-être, effectivement. Là, peut-être le début du Kraken, c'était les tentacules de Cthulhu. Voilà, les liens ont été tissés. Tout ça pour dire que je vais vous parler rapidement d'Assassin's Creed 4. Oui, parce que j'ai eu la chance de me le procurer sur PC et j'y joue depuis déjà à peu près une semaine. Écoutez, j'avais un peu parlé en même temps qu'Andrew là, pendant qu'il avait fait sa critique. Parce que j'avais essayé rapidement comme ça. Mais là, maintenant que je l'ai eu en main quand même une bonne semaine, ben je suis bien content. Je suis bien content de l'avoir essayé puis d'avoir vraiment joué longtemps parce que c'est vraiment au-delà de mes espérances, contrairement par rapport à Assassin's Creed 3. J'avais été très, très, très déçu, en fait, du troisième titre de la série. Et là, quand on est arrivé avec le 4, bon, c'est sûr qu'avec les pirates et tout, j'étais bon, c'est peut-être un peu facile. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous ai parlé justement du... Andrew avait parlé, avait fait sa propre critique. Ben lui, j'avais parlé un peu du contexte, où est-ce qu'on se trouvait, où on fait un testeur de jeu finalement. On n'est pas Desmond Miles, on est un testeur de jeu chez Abstergo Entertainment. Et plus tard, on apprend qu'Abstergo Entertainment a ses bureaux à Montréal. Donc, c'est vraiment une mise en abîme là, à l'intérieur du jeu. Donc, on dirait que ce serait les studios de Ubisoft. Là, donc, en tout cas... Il ressemble. C'est ça. Ça ressemble pas. Je parle pas, ça ressemble pas physiquement. Non, là, non, mais... c'est ça. Mais ben, un beau clin d'œil. J'ai trouvé ça intéressant. Puis en plus, on a la parlure québécoise, comme on disait avec Diego tantôt. Même que un bonhomme ou le président d'Abstergo Entertainment, pas le président, mais en fait le chef de notre chef gang, de projet. Chef de projet qui sacre à un moment donné. J'étais là, ah, ça, excellent. Moi, j'ai un Québécois qui sacre dans un jeu vendu à l'international, j'achète. Et surtout qu'en général, ça parle en anglais. Puis à un moment donné, t'entends du monde parler en anglais avec un accent très québécois. Ouais, ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est comme, ouais, ça se passe à Québec. Hein? Ouais. Et là, un truc que j'avais vraiment pas aimé dans le 3, en fait, c'est que ça nous prenait du temps avant d'arriver dans le monde. On avait donc des missions scriptées avant de pouvoir en faire, enfin profiter du monde qui nous était offert, puis qui finalement n'était pas si intéressant que ça. Dans le 4, ça arrive quand même assez rapidement. Et là, en plus, le monde ouvert est principalement sur l'eau. En fait, il y a beaucoup d'îles où on peut se promener. Il y a quand même des grandes villes où on peut se promener à pied comme on faisait dans les autres Assassin's Creed. Mais là, on a vraiment une bonne partie qui est sur l'eau, donc dans les îles, où on peut se promener en bateau, attaquer différents types d'ennemis, que ce soit des petits bateaux vraiment type marchand aux gros bateaux de guerre, que ce soit des Espagnols ou des Anglais, on peut les attaquer, les aborder. J'aime la mécanique de combat pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et évidemment, vous connaissez votre humble serviteur, j'ai un peu triché au début pour me donner de l'argent. Un peu. Pour m'acheter tout ce qu'il y avait d'upgrade, autant au niveau d'avoir les meilleures armes. Parce que, anyway, ça, on se le cachera pas, dans Assassin's Creed, avoir de l'argent, c'est pas super long. Donc, mais je ne me mets pas invincible. Je me fais tuer souvent parce que J'ai pas une super bonne manette en plus. J'ai une Logitech que j'ai achetée dans le temps qui répond pas super, super bien, mais quand même, c'est pas juste la faute de la manette, là, bien évidemment, mais bon. T'es juste pas bon, dans le fond. Non, ça, je suis pourri. Non, je suis quand même assez bon à Assassin's Creed. Mais j'aime beaucoup les combats, justement, maritimes. On se bat, autant au niveau des bateaux, là, on se tire des boulets, il y a différents types de boulets qu'on peut acheter. On a les petits canons de précision, les canons standards, les canons à l'avant qui lancent les boulets avec les chaînes. On a même des mortiers maintenant pour tirer à longue distance sur des ennemis qui s'en viennent, pour déjà les maganer avec qui s'en viennent vers nous. Puis on a l'abordage, et là, c'est le chaos total. On arrive sur, disons qu'on arrive sur un bateau où il y a bien, bien des soldats, beaucoup de marins ennemis. Ben là, ça devient même un peu difficile à faire des counter-attaques, parce que des fois, il y a de la fumée à travers ça. Je trouve que le rendement du combat, justement, là, de l'abordage à la pirate, là, c'est très, très, très bien rendu. Il y a des petits trucs aussi que j'ai beaucoup aimé qui ont rajouté dans cette version-là du jeu. Entre autres, quand on fouille des ennemis pour avoir des munitions, ben les ennemis, c'est marqué lesquels qui ont des munitions sur eux autres à place de tout faire les 18 que tu viens de tuer, là. Mais tu peux aller directement à ceux qui ont des munitions. Je trouve que c'est des petits ajustes, des petits trucs comme ça qui font que c'est vraiment, mais vraiment intéressant. Évidemment, le bateau, on peut le personnaliser comme on veut. Avec différents types de voiles, on peut avoir la figure de proue, si je me rappelle bien de mes termes maritimes. Donc, à l'avant du bateau, là, on peut avoir différentes figures, un oiseau, en tout cas, il y a un grand, grand choix. Même jusqu'au gouvernail qu'on peut changer au niveau de l'apparence. Ça en fait très le fun. Puis en plus, quand vous êtes sur le bateau, vous avez la cabine du capitaine, qui est votre cabine, la cabine de votre personnage, je vous rappelle, qui s'appelle Edward Kenway, donc qui est le grand-père du personnage d'Assassin's Creed 3. Donc, quand vous êtes dans la cabine, ben, vous pouvez faire changer vos vêtements, changer votre équipement et aussi faire des changements à votre bateau. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter nécessairement dans un magasin pour acheter des upgrades. Vous êtes sur place, dans votre cabine, vous faites les changements. Merci, bonsoir. Quand vous avez l'argent et les matériaux, parce que là, c'est pas juste une question d'argent. Ça vous prend. Il y a 4 types de matériaux, si je me rappelle bien. Métal, il y a du tissu. Qui doit servir pour les voiles. Ouais, c'est ça. Puis là, j'essaie de chercher les deux autres ressources que ça prend. Bref, il y a du iron, il y a du cloth. Bref, je chercherai ça pendant la pause tantôt, puis je vous ramènerai ça. Donc, il y a 4 éléments là, qu'il faut tenir en compte pour faire les upgrades du bateau. Ils ont enlevé tout ce qui était par rapport un peu à Assassin's Creed Brotherhood. On fait du recrutement comme un peu dans le même style, soit qu'on va sauver des pirates qui sont attaqués par les autorités dans la ville où on est, ou ce qu'on peut faire aussi, c'est carrément aller dans les tavernes puis recruter là, ou même recruter des... En fait, on se promène en mer puis il y a des... Naufragés. Il y a des naufragés, on peut les embarquer sur notre bateau puis ils deviennent de notre gang. Donc, c'est plus facile un peu à recruter. Vous n'avez pas besoin de les entraîner. Ils deviennent membres de votre équipe. Puis là, il peut y avoir pas mal de monde sur un bateau. Ça vous prend ça pour préparer votre bateau pour être efficace, surtout quand vous faites des pillages, des abordages sur les bateaux pour que vous ayez du monde pour vous aider. Puis aussi, ben, vous allez pouvoir vous développer une flotte avec votre gang, puis vous nommer de votre gang comme capitaine de ces bateaux-là. Donc, il faut avoir du monde avec vous. Donc, mais on ne peut plus les utiliser, on n'a plus vraiment d'aide, en fait, sur la terre ferme. On ne peut pas dire à un gars d'aller assassiner tel autre. La gang d'Ubisoft avait trouvé que c'était, avec raison, que ça permettait aux joueurs, des fois, d'éviter des défis trop facilement dans le jeu, en utilisant justement des personnages, des NPC, on va dire, des personnages non jouables. Ces assassins-là que vous recrutiez, ben, vous pouvez les envoyer tuer des gens qui étaient sur votre chemin, mais là, maintenant, on ne peut plus le faire. Ce qui ne me dérange pas trop, en fait, de mon côté, je ne m'en servais pas tellement, en fait, de cette fonctionnalité-là. Moi, j'aimais mieux me battre moi-même, là. Puis même que dans Assassin's Creed, il y a une place que j'aime un jeu dans lequel je me bats, c'est bien ça. Je suis pas très subtil. Puis Andrew, j'allais dire, t'as pas non plus le style de jeu très subtil non plus. Non, moi, je cours, je traverse la ville, je sors mes deux épées, puis j'embroche le gars. Puis après ça, je deal avec le reste. C'est ça. Autre truc, le fun, il y a encore les maudits collectibles, les trucs à collectionner. Il y en a moins qui sont inutiles. Il y en a comme les chansons, c'est le fun. Ça fait des chansons différentes qui chantent sur ton bateau parce que les marins chantent quand on est en mer. Ça, je trouve ça c'est un bel ajout. Je trouve que ça ajoute justement à la trame sonore. Tu deviens pas plus fort, mais ça rajoute de l'ambiance. Non, c'est ça. J'ai pas eu ça du tout. Dans les autres trucs qu'on peut collectionner, ben il y a les cartes. Il y a des cartes au trésor avec des coordonnées qu'on va aller trouver finalement où se trouvent des plans pour des upgrades spéciaux pour notre bateau. Ou des éléments comme justement des nouvelles voiles ou des trucs du genre. Il y a des trucs qui c'est vraiment pour l'apparence, mais il y a vraiment des trucs que c'est pour améliorer votre bateau au plus haut niveau, là. Autant au niveau des dégâts avec les canons qu'à la résistance du bateau aux dégâts. Donc, il faut quand même aller faire le tour. Sinon, dans les collectibles, il y a les coffres, mais ça, c'est surtout pour l'argent. Ouais, mais toi, tu t'en fous parce que... Ouais, c'est ça. Pour moi, personnellement, c'était vu que j'ai triché pour avoir de l'argent, c'est pas grave. Mais si vous voulez avoir de l'argent, il y a ça. Il y a des matériaux aussi que vous pouvez trouver dedans. Donc, ça vaut la peine de faire le tour. Donc, c'est moins pénible au niveau des collectibles. Et chose que j'ai trouvé le fun, c'est que maintenant, tous les endroits où on va se synchroniser dans les villes, vous savez, là, les perchoirs où on va, pour ceux qui connaissent la série, vous savez de quoi je parle, ben ça sert maintenant pour les fast travel. Donc, les fast travel. Puis, vous n'avez pas besoin de vous rendre à un point comme là, avant, c'était les égouts, là, de vous rendre à une entrée d'égout, pas à une autre entrée d'égout. Vous êtes n'importe où sur la map. Vous me précisez sur votre map, faites, je vais aller à Fast Travel jusqu'à ce perchoir-là. Merci, bonsoir. Tellement plus le fun et tellement plus rapide. Et en plus. Et des fois, ça met des moments cocasses comme un bateau qui apparaît à retardement. Genre, ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé. En fait, je l'avais posté sur la page de Puissance Maximale il y a quelques semaines. Le bug où le bateau sort de l'eau. Vraiment, là, c'est bizarre. Il y a vraiment un trou dans l'eau. Puis là, il remonte. Là, il y a les membres d'équipage qui tombent dessus. Ce bug-là m'est arrivé exactement la même affaire dans ma game il y a deux jours. J'ai vraiment parti à rire. Ça peut provoquer certains petits bugs, mais il n'y a pas vraiment de bug majeur comme il y avait dans le 3. En tout cas, pour le moment, moi, j'en ai pas rencontré. Version PC, il faut dire qu'elle est venue plus tard. Là. La version PC, là, tu vois, là, c'est sorti sur PlayStation 4 le 15 novembre dernier. C'est sorti une semaine après, ben à peu près en même temps que Xbox One, en fait, le 22. Donc, une semaine après, je ne sais pas s'il y a vraiment eu plus de travail là-dessus, mais bon, pas beaucoup de bugs au niveau d'Assassin's Creed 4 sur PC. En plus, je dois dire, j'avais dit que sur la version PS4, c'était assez solide au niveau des graphiques. Je dirais la même chose version PC. Tu avais vu un peu, je t'avais montré chez nous, Andrew... Ça se ressemble ça ressemble pas mal à ce qui se fait PS4. Moi, ouais. J'ai trouvé que c'était un peu mieux même. Mais c'est pas... voilà, t'es pas d'accord. Je suis de très mauvaise foi. Non, c'est ça. Là, tu dis ça parce que tu l'as pas encore testé sur PC, tu l'as sur PS4. Là. Mais c'est, selon moi, c'est un peu mieux même que le taux de rafraîchissement de l'image. Et je l'ai trouvé mieux. Faut dire que mon moniteur de PC est plus performant à ce niveau-là que ma télévision. Mais bon, tout ça pour dire que nette amélioration au niveau PC, PS4, Xbox One peut-être. On va voir avec Eric en fin de semaine. On vous rappelle qu'en fin de semaine, on s'en va chez Monsieur La Jeunesse faire des tests de console justement pour faire le 18 un gros wrap-up. Ça va être une grosse émission la semaine prochaine. Préparez-vous. Là. Donc, un beau test au niveau des deux consoles. Autre fait à nommer pour Assassin's Creed 4 version PC, à peu près pas de loading. Très, très rapide. Andrew, tu me disais qu'au niveau loading, c'est quand même assez rapide sur PS4 aussi. Donc ça, c'est une nette amélioration face au PS3. En tout cas, moi, Xbox, j'ai jamais joué à Assassin's Creed sur Xbox, je peux pas dire, au niveau du temps de chargement. Mais sur PC, à peu près rien. C'est vraiment, non, c'est vraiment ça, sur PS4, c'est le premier loading. Après ça, c'est... C'est vraiment rien, là. J'ai vraiment été impressionné. Donc, en gros, là, pour finaliser tout ça, Assassin's Creed 4... En tout cas, moi, c'est une suggestion de cadeau. Je l'avais écrit dans mon article dans le pub de Lévis là, la semaine passée, mais je le redis. C'est une suggestion de cadeau. Bizarrement, là, je voyais sur Internet qu'il était quand même nommé dans plusieurs galas de jeux vidéo comme genre jeu de l'année. Pas à ce point-là. Non, c'est ça. Là. C'est un bon jeu à date. Là. Je me fais vraiment du fun. Le côté pirate est malade. Mais là, je suis pas tant accro que ça. Moi, là, un jeu de l'année, là... Faut que ça m'accroche. En tout cas, personnellement, là, moi, c'est toujours... Je me rappelle pas si cette année, il y a un jeu qui m'a vraiment marqué à ce point-là. Il faut dire que BioShock a été assez solide au niveau du first-person shooter, puis même au niveau de l'histoire. Il était assez solide. Tu l'avais fini, toi? Oui. Je sais pas, le DLC est-tu sorti? Oui, il est sorti. Il faudrait que je regarde ça pour pouvoir me le procurer puis jouer aussi pour faire une petite critique. Parce que ça m'a pris du temps à accrocher, mais au final, j'avais vraiment beaucoup aimé comme justement First Person Shooter. Puis t'as fait un what de La fin était malade. J'ai vraiment adoré ça. On va pas spoiler, mais c'est une brique. Vous vous mangez une brique dans la gueule. Non, c'est ça. Mais en tout cas, bref, pour Assassin's Creed 4. On va l'appeler Black Flag, là. Mais de toute façon, même si la chronique est terminée, mais maintenant, je l'appellerai Black Flag. Pour Black Flag, là, vu les notes qui étaient nommées, il y a eu des très bonnes notes. Moi, je donnerais un 8.5, là, un bon 85%. Je pense que c'est ça que j'avais donné aussi. Sans faire, c'est un excellent titre de la série. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué un bon Assassin's Creed. En fait, je pense depuis Brotherhood, j'avais pas détesté. Mais je pense que le meilleur que j'avais joué, c'était le 2 avec l'arrivée d'Ezio. Mais là, je pense que Edward Kenway, avec son Jackdaw, ça c'est le nom du bateau, a pris une place assez importante dans mon cœur du gars qui aime beaucoup la série Assassin's Creed. Donc, un 8.5 pour ma part pour Black Flag. Et mesdames et messieurs, maintenant que ma critique est terminée, on va y retourner en musique, même qu'on va y aller pour, vu qu'on arrive pas presque, là, mais tranquillement, pas vite, vers la fin de la première heure de Puissance Maximale, je pense qu'on va y aller pour un doublé musical. Ça va brasser dans le crément, je vous le dis tout de suite. On va avoir deux tunes de Noël dans la rue. Donc, ça va brasser chez vous, mesdames et messieurs. La première, ça va être Entre le bœuf et l'âne gris de Groovy Aardvark, qui nous avait offert aussi à une certaine époque une excellente version du Petit Bonheur de Félix Leclerc. Mais là, ça va être une toune de Noël. Et après ça, tout de suite après, on va avoir Minuit chrétien de Barf. Oui, Barf qui nous avait offert Le mouton noir et Le petit poisson dans le très élevé. Mais vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD FM, la radio de la Rive-Sud. Entre le bœuf et l'âne gris, dans le petit fils, l'ange du mal, il le séraphin, dans le calentour de ce gratin. We'll be right back. CJMD. Wherever she wants, she'll be. 96.9. Let it ride! Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, c'est Puissance Maximale qui se poursuit et nous sommes à la Fiesta Ludique. Je suis avec Andrew. Salut Andrew, ça va bien? Bonjour, Monsieur Michaud. Ça va salut. Écoute, comment tu trouves ça jusqu'à présent? C'est très bien. C'est très bien. Je suis arrivé, j'ai fait le tour des jeux géants. Il y a plein de jeux. C'est malade. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs dans le micro. Et là, je suis avec Hélène, voilà. Hélène, de la gang des Philosophia, en fait, de la gang de l'organisation. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, comment se passe l'événement au niveau organisationnel? Tout va bien? Tout va très bien. Écoute, on a monté notre salle en un temps record ce matin. On a beaucoup, beaucoup de visites. La salle est presque pleine actuellement. Fait qu'on est bien content de pouvoir desservir autant de personnes là, pour qu'ils puissent essayer des jeux gratuitement. Ben oui, parce que le monde peut venir. On est au pavillon d'Oconinck à l'Université Laval, donc les gens à l'Atrium là, peuvent venir gratuitement. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monde aussi. Écoute, y a-tu des nouveautés cette année? Parce qu'on rappelle aux gens habituellement, là, c'est justement des jeux qu'on peut essayer sur place. Là, j'ai vu qu'il y avait une section jeux de stratégie là-bas. Puis en plus, il y a les jeux géants, il y a un rallye. Là. Dans les nouveautés cette année, qu'est-ce qu'il y a? OK. Dans la section stratégie, comme nouveauté, on avait Route du Vert, qui vient tout juste de sortir là, pour SN. On avait Maître Couturier. On a aussi Russian Railroad, qui était... excusez mon anglais. Qui est aussi une nouveauté qui vient tout juste de sortir. Ainsi que Caverna, qui est en démonstration aussi. Les gens pouvaient l'essayer et qui vient juste de sortir. Dans la section jeux géants, notre nouveauté, c'est un Laboka géant. Qui est un de nos nouveaux jeux. Moi, c'est un de mes coups de cœur cette année. Beau jeu de party pour 6 joueurs. On joue en équipe, mais on gagne individuellement, puis on fait une construction en 3 dimensions. C'est vraiment super trippant. On a aussi Blueprint, qui est très récent, là, qui vient de sortir en magasin cette semaine. Il y avait des lancements un peu partout dans les dernières journées. Là. Puis là, ben, là, on l'a en version géante aussi. Et puis, on a aussi, évidemment, en présentation, le jeu Nez Rouge, qui est une adaptation de Tokyo Train, pour ceux qui connaissent le jeu de Cocktail Games, mais en version québécoise, dans le fond. Fait qu'on a Nez Rouge sur place aussi, la mascotte qui est là pour remettre des petits nez aux enfants, puis saluer tout le monde. Écoute, nous, à Puissance Maximale, depuis un petit bout, on s'intéresse aussi à l'organisation des événements. Pas juste le fait que c'est le fun, il y a du monde, il y a des jeux, on s'amuse, mais... aussi comment ça s'organise, ça, écoute, ça vous prend combien de temps organiser une fiesta ludique? Est-ce que ça dure toute l'année ou vous passez à ça pendant toute l'année ou comment ça fonctionne? Bien, maintenant, les fiestas ludiques, ça fait quand même quelques années qu'on en fait. Donc, il y a déjà une base qui est prémontée. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours beaucoup d'organisations à faire. Je vous dirais que la fiesta ludique de Québec, de front, menée avec celle de Montréal, les deux ensemble, ça nous donne un bon 150 heures d'ouvrage là, avant. Et puis, plus les journées même, là, qui sont vraiment très intenses au niveau de l'organisation. Et en plus, ce que je trouve intéressant, des fois, il y a des gens qui pourraient penser que c'est seulement pour les initiés, vraiment les mordus de jeu, mais il y a vraiment pour toute la famille, parce qu'il faut entendre, on est quand même proche du coin des tout-petits, on en entend. C'est-tu quelque chose que vous voulez développer plus du côté familial ou vous voulez ça va rester comme ça? Parce qu'il y a quand même pas mal déjà de choses au niveau familial. Bien, je vous dirais que le côté familial, il se développe de lui-même au sein de cette activité-là. On a de plus en plus de familles, justement, qui viennent. Là, on s'assure d'avoir des espaces entre les tables qui sont poussette-proof, là, pour que les gens puissent bien circuler avec les enfants. C'est sûr que ça continue toujours à se développer. C'est pas... puis, c'est un créneau. Les parents aiment ça. Ils arrivent avec leurs enfants et puis, ils n'ont pas à lire aucune règle de jeu. Il y a des animateurs pour leur expliquer. Et c'est une clientèle qui apprécie énormément ce service-là. Au niveau des joueurs plus aguerris, en général, ça leur fait pas peur de lire des règles. Fait qu'ils aiment ça, se le faire expliquer, mais c'est moins apprécié, disons, que de la clientèle plus familiale que eux. Lire les règles, souvent, c'est lourd. Donc là, ils ont quelqu'un pour l'expliquer, ils n'ont pas à se casser la tête. Puis ça leur permet de voir si leurs enfants aiment les jeux, des fois, avant de se les procurer. C'est plate d'acheter un jeu qui reste à la tablette parce que ton enfant, il kick pas dessus, là, tu sais. Fait que c'est très apprécié au niveau des familles. Excellent. Écoute, nous, à Puissance Maximale, on adore l'événement. Ça fait 4 ans qu'on vient, la dernière fois qu'on est allé, vous étiez à FX Garneau, d'ailleurs, on avait rencontré des concepteurs, un monsieur allemand, d'ailleurs, je ne me rappelle pas de quelle compagnie. Mais, écoute, à chaque année qu'on vient, on est vraiment sur le cul, carrément, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, c'est la deuxième année que je viens où c'est vraiment aussi plein que ça. Et je veux dire merci à Philosophia, parce que vous faites un peu partie de ce renouveau-là là, du jeu, là, ce nouvel intérêt qui est là depuis un an en plus. Je parlais tantôt à un membre de votre équipe, puis je lui disais que à Puissance Maximale, on parle beaucoup de jeux vidéo, Mais quand les gens me parlent de jeux maintenant, on me parle de plus en plus de trucs comme ça. Puis je pense que Philosophia et la Fiesta Ludique fait partie de ce beau succès-là du renouveau. Alors, félicitations et longue vie à la Fiesta Ludique. Est-ce qu'on peut déjà s'attendre à une édition 2014 à Québec? Je croirais que oui. On va pas arrêter quelque chose qui marche. Habituellement, on continue. Fait que à moins de quelque chose de qui se passerait de vraiment différent, mais non, je suis sûre d'après moi que la Fiesta revient en 2014. Vous pouvez mettre ça à votre agenda fin novembre. Excellent. Mais merci beaucoup, Hélène, d'avoir nous avoir donné un peu de temps dans ta journée très occupée. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Ça me fait plaisir. Et on continue avec Puissance Maximale. CJMD 96.9, la radio qui s'implique dans sa communauté. Du Mordor à la Comté, c'est Noël, du Mordor à la Comté, tous les vœux sont exaucés. Imaginez Père Noël le vieux, soit en soudain complété sa tournée, s'en fut perdu dans les terres du milieu, les vœux de tous voudraient réaliser. Du Mordor à la Comté, c'est Noël, du Mordor à la Comté, tous les vœux sont exaucés. Merry Pipin, les hobbits affamés, aurait reçu un festin magnifique sur du lambasse, un beau foie gras poêlé, gigot de serre aux champignons jolis. Du Mordor à la Comté, c'est Noël, du Mordor à la Comté, tous les vœux sont exaucés. Sam et Frodon, les pieds ensanglantés, pourraient monter sur le traîneau volant, si fatigué d'une longue randonnée, directement les mener au volcan. Du Mordor à la Comté, c'est Noël, du Mordor à la Comté, tous les vœux sont exaucés. Le côté sombre ne serait pas en reste, saurons le noir, trouvant près du sapin, le bel anneau caché dans ses chaussettes, Frodon pleurant sur le mont du destin. Du Mordor à la Comté, c'est Noël, du Mordor à la Comté, tous les vœux sont exaucés. Pour éviter d'autres vœux à la con, le Père Noël serait livré fusillé à quelques trolls, les morfars, les marrons, le règne sombre pourrait bien commencer. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Merci Bonhomme de nous ramener comme ça. Et on vous avait entendu l'entrevue que j'ai réalisée avec Andrew, là, qui était à côté, qui nous regardait. Et qui a fait le commentaire le plus pertinent de toute l'entrevue. Oh, tellement. Il y a plein de jeux partout. C'est le fun. C'est une place où, effectivement, on allait là pour faire essayer des jeux. Là, ça a été surprenant qu'il n'y ait pas de jeu, Andrew. Ben, c'est ça. Je me dis que... une chance, hein? Donc, on remercie la gang de Philosophia qui nous ont accueillis, à Hélène qui nous a parlé, bien évidemment. Et vous venez d'entendre une excellente chanson du Noël Band qui s'appelle « Noël en Mordor ». Et juste avant ça, vous avez entendu « Le minuit chrétien » de Barf et entre le bœuf et l'âne gris de Groovy Hard Work. Donc, comme je vous avais dit, ça allait brasser. C'est ce qui est arrivé. Et il nous reste quand même quelques tounes là, de Noël dans la rue qui s'en viennent d'ici la fin de l'émission. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, je me dois de vous faire la lecture. Et oui, parce qu'on a notre amie Chantal Campagna, alias Fräulein Evil, qui est notre collaboratrice au jeu de société Jeux de Platon, qui ne pouvait être avec nous en ligne aujourd'hui. mais qui a quand même pris la peine de nous faire parvenir sa sélection sous une lettre qu'elle m'a écrite. Et je vais vous la lire comme telle, bien évidemment, parce que moi, je suis fidèle. Je ne vais pas travestir les mots de Chantal. Je vais lire comme elle me les a écrits. Et ça va comme suit. C'est le temps des fêtes et des parties de bureau et des parties de famille. On se serre la main, on s'embrasse et après, on fait quoi? Évitez de devenir une vedette imbibée et instantanée sur Internet ou conserver votre poste en évitant de frencher la femme du boss. Comment? Eh bien, jouer à des jeux. J'adore Chantal. Donc, jouer à des jeux. Les incontournables, c'est quoi? Petite liste non exhaustive de jeux pas chers qui se transportent bien, s'expliquent en 30 secondes et accommodent un bon nombre de joueurs. Donc, le numéro 1, Zombie Dice et son extension Double Détente. À partir de 2 joueurs, 10 ans et plus, partie de 10 minutes environ. Donc, on connaît un peu, en tout cas, Andrew connaît le jeu, Zombie Dice, on a joué quelques fois. Et là, on vous la réexplique. Pour ceux qui ne connaissent pas cet excellent jeu, justement, un jeu rapide, on est un zombie et on a faim. Très faim. Pas vrai. On cherche à attraper le plus grand nombre de cerveaux possible, mais nos victimes se défendent. Trop de dégâts et tout sera à recommencer. Donc, un petit jeu de dés hyper simple où le premier joueur zombie à avoir attrapé 13 cerveaux provoque une fin de partie. Le zombie qui en a le plus, une fois le tour terminé, gagne la partie. Voilà pour Zombie Dice. On peut témoigner, Andrew, c'est très, très... c'est un petit tube avec les dés. Mais c'est le fun. C'est vraiment c'est, le fun. C'est satisfaisant, le bruit des dés dans le petit contenant. Oui, puis c'est ça. Je veux dire, on peut amener ça partout, justement, même dans un party de bureau, pour nous éviter de faire un fou de soi-même. Et on n'est pas obligé d'être un geek pour apprécier le jeu. Non, c'est ça. Ce serait des chiffres où là, à la place, c'est des cerveaux, tout simplement. Ou des coups de fusil. Ou des coups de fusil parce qu'on en prend plein la gueule. Ou des pas. Des quoi? Des traces de pas. Ah, ça fait quoi, les traces de pas, déjà? Que le survivant s'en va. Ah, OK. Tout simplement. Oui. Ah, OK. D'accord. Merci, Andrew. Ça fait plaisir. Le numéro 2, le jeu Squeeze. 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans, partie de 20 minutes environ. C'est les éditions du Scorpion Masqué qu'on aime beaucoup, qui font encore des siennes en nous offrant la crème de la crème 100% Québec. Qui de Yoda, Noé ou du Grand Schtroumpf est le plus jeune? Qui des Irlandais, Allemands et Tchèques boivent le plus de bière annuellement? Irlandais. Moi, je suis pas sûr de ça. Moi. Non, mais moi, je prêche pour ma paroisse. Qui court le plus vite? Un géocoucou? Le grand géocoucou du Texas, c'est le Roadrunner, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Un coyote ou une autruche? Squeeze est un jeu questionnaire rapide. Donc, vous pouvez voir le genre de questions. Squeeze est un jeu de questionnaire rapide où vous répondez à un petit nombre de questions. Vous placez également un jeton mise sur chacune de vos réponses. Plus la mise est élevée, plus vous marquez de points pour une bonne réponse. Mais attention, chaque jeton ne peut servir qu'une fois par partie. Assurez-vous donc de garder les plus élevés pour les réponses dont vous êtes le moins incertain. Écoute, genre de jeu que j'aimerais beaucoup avoir entre les mains pour pouvoir tester ça et jouer moi-même avec des amis. Donc, le jeu Squeeze du Scorpion Masqué. On vous rappelle que tous les jeux là, qu'on vous nomme, là, vous pouvez trouver ça dans vos bonnes boutiques de jeux de société, bien évidemment. Comme exemple, TPM. Ouais, à Québec. Aux Galeries de la Capitale. Voilà, vous pouvez aller le voir. Des bons amis à nous. Et en plus, très, très, très, très sympathiques, très compétents. Et ils ont vraiment beaucoup de stock dans leur boutique. C'est un déplacement. Mais s'ils ne l'ont pas, ils vont vous le trouver. C'est en plein ça. Numéro 3, complot. Jusqu'à 8 joueurs à partir de 8 à 10 ans. En fait, à partir de 8-10 ans, pas de 8 à 10 ans, on pourrait jouer Mopi Andrew. Partie de 10 minutes environ. Le but du jeu, éliminer tous les personnages des autres joueurs. Comment? En mentant, bluffant, assassinant, volant, rien que du bon. Voilà, comme dit Chantal. Mais attention, il suffit que quelques-uns mettent votre parole en doute pour qu'un duel sans merci s'amorce. Serez-vous le dernier à vous en sortir vivant? Voilà, donc le jeu complot. J'avais un truc, j'avais joué à un jeu qui s'appelait Oui, Monsieur le Parrain, qui est un peu, j'ai ça à la maison. On n'a jamais joué d'ailleurs. Moi j'ai joué avec des amis, avec d'autres amis, parce que tu n'es pas mon seul ami, Andrew. Ouais, mais... Contrairement à la croyance populaire. Oui, vas-y. Ben là, tu viens de briser mes rêves. T'as brisé ma réalité. Et voilà, c'est terminé. Non, c'est ça. Ben en fait, c'est qu'on joue différents membres d'un clan mafieux dans Oui, Monsieur le Parrain. Et justement, il faut se défendre de savoir qui est-ce qui a volé l'argent du parrain. Et il y a quelqu'un là-dedans qui pige une carte. Là, on pige des cartes pour alimenter nos alibis. C'est un jeu d'improvisation. C'est vraiment intéressant. Donc... Ça a l'air d'avoir une petite saveur comme ça, mais dans un contexte un peu plus violent, disons. Donc, le numéro 4 de Chantal, le jeu Double Sens, de 4 à 16 joueurs à partir de 10-12 ans, pour les parties un peu plus moins gamer, parfait pour embarquer les matantes dans un jeu sans les intimider. Donc, un maître de jeu donne des indices verbaux et les joueurs doivent retrouver sur une grande feuille là où les images qui correspondent à qui correspondent à l'indice. Le premier joueur qui trouve gagne le point. Chaque jeu, il y a 4 itérations, contient assez de matériel pour 6 parties différentes. Difficulté croissante, excellent jeu pour découvrir la langue française car toutes les mécaniques du jeu reposent sur les homonymes et expressions populaires. Ça, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup. On parle souvent, justement avec Squeeze, là, les petits jeux. On utilise notre esprit, pas juste une histoire de dés et de chance. J'ai un bon faible là-dessus. Tous les jeux questionnaires, j'aime bien ça. Donc, le jeu Double Sens, que vous pourrez également retrouver en magasin. Le numéro 5 de Chantal, le jeu Déclic. 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Partie de 20 minutes environ. Version famille aussi disponible pour jouer avec des plus jeunes qui s'appelle Déclic Family. Observation, rapidité, mauvaise foi et fou rire. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que nous dit Chantal dans sa description. Et on se trompe rarement quand Chantal dit ce genre de choses-là. Ouais, surtout quand il y a mauvaise foi. Éric serait bon là-dedans. Ouais, c'est lui-même qui dit ça. Il dit lui-même qu'il est de mauvaise foi. Donc, répondez à des affirmations le plus vite possible par vrai ou faux avec vos mains en tapant sur la cible au centre de la table. Plus vous serez rapide, plus vous ferez de points. Mais attention, si vous vous trompez, il vous en coûtera plus aussi. Donc, en moins d'un quart de seconde, seriez-vous capable de dire si vous êtes une femme ou non? Si on est bien mardi aujourd'hui, s'il pleut dehors, et bien sûr, sans vous tromper. Tels sont quelques-uns des défis que doivent relever les joueurs. Hein, j'avoue que des fois, ça peut être mêlant, justement. Christy, le jour de la semaine. Là. Moi, une chance que j'ai comme l'émission en milieu de semaine pour me dire, bon, là, c'est le milieu de la semaine. Il me reste 2 jours de travail. Après ça, c'est le week-end. Une chance que j'ai l'émission parce que je serais vraiment, vraiment mêlé. Parce que les jours de travail se ressemblent souvent. Et j'ai pas tant de trucs de façon ponctuelle à toutes les semaines, à part notre partie de Pathfinder. J'avoue que ça peut être un peu mêlant. Puis même la température, tu sais, tu travailles toute la journée dehors, tu mets pas le nez souvent. Alors ça peut être mêlant tout ça. Donc, Déclic va jouer avec ces éléments-là pour vous faire gagner ou perdre des points. Et la dernière suggestion de Chantal est un jeu qui s'appelle Timeline. 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Partie de 20 minutes environ. L'ouvre-boîte a-t-il été inventé avant ou après l'ampoule électrique? Dans Timeline Inventions, c'est à ce genre de questions que vous serez confronté à chaque fois que vous voudrez poser l'une de vos cartes. Ici, un seul objectif, être le premier à poser correctement toutes ces cartes. Chaque joueur reçoit une main de cartes sur lesquelles sont dessinées des inventions. Par exemple, vaccin, ampoule, élastique. Au dos de chacune de ces cartes se trouve la même invention, incluant la date de l'invention. Le but du jeu est de déterminer la date des inventions que l'on a entre les mains en les insérant entre les cartes déjà révélées au centre de la table, sous forme de ligne du temps. Après avoir inséré la carte, le joueur la retourne pour vérifier si la date de l'invention est conforme au placement dans la ligne du temps. Si c'est le cas, il a terminé son tour. Si ce n'est pas le cas, il pioche une nouvelle carte sans compléter sa main. Le premier joueur à être défait de toutes ses cartes remporte la partie. Génial pour apprendre sans s'en rendre compte. Écoute, moi qui aime l'histoire en plus, et ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai commencé à écouter Big Bang Theory, les trucs scientifiques m'intéressent de plus en plus. Et entre autres, justement, les inventions, les grands inventeurs, c'est toujours intéressant, en plus d'apprendre comment les inventions ont été, comment c'est venu à l'esprit de leurs inventeurs, ça peut nous amener là aussi. Donc, le jeu Timeline Inventions, bonne suggestion de Chantal. Et elle termine en disant, joyeuses fêtes à tous, que puissance maximale soit avec vous. Yours truly, Fraulein Evil. Écoute Chantal, merci beaucoup de nous avoir envoyé cette lettre. On va, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre telle quelle sur, je pense que je devrais être bon pour le mettre sur le site de Puissance Maximale. Oui, t'as juste à écrire un article, mon cher. Et voilà, et vous pourrez aller la chercher directement sur le site avec les descriptions que Chantal a fait dans sa lettre directement. réécouter l'émission, mais évidemment, parce que lu par ma magnifique et suave voix. Un moment donné, Mike, faudrait que tu lises un conte de Noël. Ah, ben, tout à fait. Moi, avec ta voix, il faudrait que tu t'enregistres, tu mettes ça sur le site de Puissance Maximale. Je serais prêt à le faire. Écoutez, ça pourrait recueillir de l'argent, disons, pour Puissance Maximale, je le ferais. Ou même ben, pour une bonne cause, pourquoi pas. Ben oui, rêve d'enfant, tiens. Pourquoi pas. Donc, on vous envoie ça sur le site de Puissance Maximale, en même temps que la mise en ligne de l'émission, qui risque d'être vendredi soir. Parce que ce soir, d'ailleurs, moi, Biendrou, on aura la chance d'aller... Le chant du monde qu'ils vont faire. Ce soir, moi, Biendrou, on va en avant-première écouter le nouveau film du Hobbit au IMAX en 3D. Oui, mesdames et messieurs. On va aller s'acoquiner avec le fantasy médiéval de Tolkien. Et on va s'acoquiner avec ça à 10h moins quart ce soir. Ça veut dire qu'on va se coucher tard. Mais on va vous en parler. Deuxième soir de suite. Hein? Ouais, ça fait qu'on va vous en parler la semaine prochaine, bien évidemment. Donc, je redis merci beaucoup à Chantal. Et en même temps, Chantal, je sais que tu vas écouter l'émission. Donc, je te souhaite une très bonne année ludique. Je l'ai souhaité à Diego. En plus, on vous annonce que Chantal attend un heureux événement. Et oui, un mini dude qui s'en vient, un petit bébé qui s'en vient pour Chantal, un garçon. Donc, on espère que tout va bien se passer. On te le souhaite, Chantal, et que cette belle année qui s'en vient soit ludique et aussi une belle année avec ton nouveau petit poupon. Donc, hurrah! Oh oui! Donc, salut Chantal, merci beaucoup et passe une belle année. Et voilà, le message est lancé. Et mesdames et messieurs, avant de passer à autre chose pour l'émission, on retourne en musique, bien évidemment. Et cette fois-ci, ça va être avec le groupe Kermesse et la chanson « Prendre un verre de bière ». Parce que ça va nous mettre en habitude pour la semaine prochaine pour la chronique bière et jeux de fin d'année avec M. Éric Lajeunesse. On a un produit spécial qui s'en vient pour vous, qu'on va goûter. Et voilà, ça s'appelle la chanson s'appelle « Prendre un verre de bière ». Et vous la connaissez, vous allez entendre ça avec le groupe Kermesse à Puissance Maximale à CJMD 96.9 FM Lévis. CJMD 96.9 FM, la seule station sur la rive sud de Québec. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, être trou. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je te fais des belles façons. Je chante des belles chansons. Donne-les en don. La vie d'affreuse est remplie de chagrin. Pour la rendre heureuse, il faut boire un sprint. La vie d'affreuse est remplie de chagrin. Pour la rendre heureuse, il faut boire un sprint. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, être trou. Tu m'en donnes pas, tu fais des belles façons. Je chante des belles chansons de bruit en don. Souille un soir, sous la soie d'avant. Souille encore un soir, puis sous tout le temps. Souille un soir, sous la soie d'avant. Souille encore un soir, puis sous tout le temps. Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière, et tout. Tu prends la bière, tu m'en donnes pas. Tu fais des belles façons. Je chante des belles chansons de bruit en don. Je sais pas si c'est vrai que l'homme qui prend la bière n'a pas besoin de gobelet. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, et tout. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons. Je chante des belles chansons de bruit en don. Ma femme m'a gueulé, puis elle m'a battu. Quand je me réveille, j'y ai répondu. Prendre un verre de bière et tout. Tu prends de la bière, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons. Je chante des belles chansons. De bruit en don. De bruit en don. De bruit en don. De bruit en don. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière et tout. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière et tout. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière et tout. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière et tout. Tu prends la bière, tu m'en donnes pas. Je fais des belles façons. Je chante des belles chansons. De bruit en don. De bruit en don. Hi, I'm Alexis Pajitnov. I'm creator of Tetris and you are listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale après prendre un verre de bière avec Kermesse. Et on est de retour en nouvelle ludique avec M. Castagan. Mais juste avant, on vous annonce, je l'ai fait sur Facebook aujourd'hui, mais on vous annonce un tout nouveau partenariat avec Puissance Maximale et le dépanneur tout prêt à Lévis. Et oui, grâce à eux, Éric Lajeunesse aura tout ce qu'il faut pour faire de très bonnes chroniques bières. En fait, on en avait parlé lors de la dernière chronique d'Éric. C'est là qu'il avait pris ses bières lors des dernières chroniques qu'il avait fait. Puis ils en avaient parlé. Puis on va les approcher parce que ça les intéresserait justement. Et ils étaient intéressés. Nous autres, on est super contents parce qu'on sait justement que c'est un commerce qui est assez solide au niveau de la sélection des bières. Et aussi, comme j'ai marqué sur Facebook, d'autres victuailles ludiques et je ne sais plus comment j'ai marqué. Festive, je crois. Festive, voilà. Donc, tout ce qu'il vous faut pour vos parties et autres occupations, ben, vous vous rendez au dépanneur tout près. Si vous allez sur la page de Puissance Maximale aujourd'hui, j'ai posté aussi avec leur page Facebook. Allez donc les aimer en même temps. Puis en plus, vous allez être au courant de tous leurs arrivages et tout. C'est une belle place à Lévis. Là. Si vous êtes un amateur de bière internationale puis de bière de microbrasserie, c'est vraiment la place. Puis, tu sais, Mike puis moi, on est allés souvent dans des dépanneurs vendant de la bière de microbrasserie, des choses comme ça. Puis, je vous dirais, sérieusement, il y a certains produits que j'ai jamais vus ailleurs, que j'ai vus justement au dépanneur tout près. Puis, aussi des formats de bière. Tu sais, comme Eric puis moi, un matin d'ailleurs, quand on est allé officialiser le tout, on a fait, de la belle gueule en grosse bouteille. Ouais, ça, c'est rare de trouver justement des formats. Au-delà de la petite bière. Ben c'est ça, il y a de la belle gueule en grosse bouteille là-bas. Il y a de la quille, comme on dit par chez nous. Oui, ben c'est ça. Donc, on est bien content en plus de pouvoir trouver ça. Je viens de mettre justement là, la page du dépanneur tout près. Je viens de le partager sur la page de Puissance Maximale. Profitez-en pour aller l'adorer comme nous, on l'a fait. Et merci à la gang de dépanneur tout près de s'associer à Puissance Maximale. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et je sens que nous aussi, là, on va adorer ça, travailler avec vous. Merci beaucoup de nous faire confiance. Et M. Castagan, il est déjà temps de partir en nouvelle ludique. Oui, donc niveau nouvelle ludique. En fait, on avait déjà abordé le principe qu'il y avait des rumeurs à propos de Fallout 4 qui serait en développement. Puis là, ça a été démenti la semaine passée. Il n'y en aura pas. Puis là, on ne savait plus quoi penser. Mais là... Mais en fait, c'est à cause qu'il y a eu un site canular qui a été montré. Et là, Bethesda, on dit non, c'est pas nous autres que ce site-là, c'est vrai, c'est un canular. Mais finalement, il y a le fameux site de nouvelles Kotaku, qu'on salue d'ailleurs. On les salue toujours parce qu'on sait tous qui nous écoutent. Ouais, tout à fait. Et dans le fond, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des documents. Qui a fait apparition pour des appels de casting pour un jeu ressemblant fort à Fallout 4 et qui serait apparemment basé à Boston. Donc parlant d'Irlandais, Andrew, il va y avoir des Irlandais post-apocalyptiques. C'est ça que ça veut dire. Oh yeah! Mais tout ça pour dire que dans le fond, ils ont fait une investigation et ils ont remarqué que plusieurs indices au niveau de la firme de Bethesda et son studio, d'ailleurs, que je ne me rappelle plus de son nom, mais le petit studio, dans le fond, qui fait le développement, c'est l'autre qui avait été en arrière de Fallout New Vegas. Je vais te chercher ça pendant que tu parles. Mais dans le fond, il y a plusieurs signes qui font en sorte que là, ils se sont rendus compte que le directeur du casting qui a travaillé sur Skyrim et Dishonored est en arrière de ces fameuses castings. Donc, c'est du tangible, mesdames et messieurs. Quand même assez solide, là. Et également, il y a eu... C'est Obsidian. Obsidian, merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de dialogues au niveau de Bethesda, au niveau du futur de la dite licence. Et il y a eu du teasing, comme on a déjà parlé, au niveau de Bethesda, qui sortait... des lignes comme exemple « War never change » et des références à des phrases clichés de la série de Fallout. Donc, d'après Kotaku, l'équipe de développement était justement au Massachusetts Institute of Technology de Boston en 2012 pour quelques recherches sur le terrain pour aider à documenter pour ce jeu-là. Ils sont allés au MIT pour faire des recherches. Oui, exactement. Damn. Fait que, encore une fois, c'est au stade de rumeurs, mais Kotaku dit être sur le filion d'informations et va garder les internautes informé sur l'évolution des choses ou jusqu'à temps que Bethesda fasse une sortie publique. Good! Hey, écoute, c'est quand même une bonne nouvelle. On s'entend que Fallout 3 et Fallout New Vegas ont occupé beaucoup, beaucoup de mon temps C'est des excellents jeux. Si vous aimez justement le sandbox, à la, justement à la Skyrim, à la Morrowind et toute la gang, là, écoutez, vous allez être... si vous n'avez pas encore joué à Fallout 3 ou New Vegas, ou les deux, honte à vous. On va le dire tout de suite, là. Mais allez vous chercher ça tout de suite. Puis ça, il tombe souvent en spécial sur Steam. Ça fait que ça vaut la peine de surveiller ça. Oui, effectivement. Moi, j'avais eu un gros béguin pour le New Vegas. Je pense que je l'avais préféré au 3. Ouais, ben le 3, c'est à cause qu'il y a quand même un petit aspect mythique parce que justement, ça a été un retour d'une franchise phare que beaucoup de personnes pensaient avoir disparu à cause des problèmes de Interplay et compagnie. Puis vraiment pas dans le même modèle que dans la franchise du départ. Là, c'est ça, exactement. Fait que t'sais, y a un petit quelque chose, mais effectivement, New Vegas a eu l'implantation de quelques améliorations dans les mécaniques qui faisaient un peu défaut de Fallout 3. Donc, t'sais, Fallout New Vegas, je le considère un peu comme Fallout 3.5. Dans le principe qu'ils ont été, ils ont pas réinventé la roue, mais ils ont amélioré la formule du 3. Moi, mais ça, on était vraiment pas dans un DLC, là, on était vraiment dans un jeu complet. Moi, j'ai beaucoup aimé Fallout New Vegas. Une petite nouvelle rapide, Andrew. Guy Bergeron, qu'on connaît, l'auteur qu'on a déjà reçu à l'émission pour sa série de livres médiéval fantastique, mais aussi ceux qui nous avaient dit qu'il travaillait sur d'autres projets. Guy vient de poster sur sa page Facebook qu'il serait présent en séance de dédicace avec d'autres auteurs de la série Clown Vengeur, donc cette série-là dont il nous avait parlé à l'émission. Donc Clown Vengeur à la boutique L'Imaginaire de Place Laurier, samedi cette semaine, le 14 décembre. De 13h à 15h. Évidemment là, nous, je le dis, les livres de M. Bergeron, je vais l'appeler Guy parce que... On le connaît, c'est un ami de l'émission, puis c'est un de tes amis personnels. Exactement. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ses livres, j'en ai lu deux dans sa série. J'ai beaucoup aimé ça, toi, t'en as plusieurs. Je pense que t'es toutes. J'ai juste pas que la série Clone Vengeur, par exemple. Donc, moi, j'ai adoré. C'est ça, moi, je parle vraiment de la série médiévale fantastique. Le monde là, j'essaie de me rappeler du nom comme fou, pour pas me tromper, j'ai Aramis dans la tête. Parce que j'ai parlé des Trois Mousquetaires avec un de mes amis en fin de semaine. Mais allez vous chercher les livres de Guy, parce que c'est vraiment... D'Arménis, c'est en plein ça. Allez vous chercher ça, parce que c'est des excellents livres, des excellents romans médiéval fantastique québécois. On n'a pas tant que ça. Puis en plus, c'est ça, je fais même pas de la pub juste pour que parce que c'est québécois. Là. C'est parce que c'est bon. Moi, j'ai vraiment été impressionné par la qualité. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, allez voir Guy. Profitez-en pour passer à l'Imaginaire en fin de semaine pour aller vous acheter ces livres-là. Puis en plus, il va être là pour vous les dédicacer. Vous allez pouvoir parler avec lui. Vous allez voir un gars vraiment, vraiment gentil, un auteur de talent. Donc, Guy Bergeron, en fin de semaine, le 14 samedi, à l'Imaginaire pour une séance de dédicace. Donc, on continue avec d'autres nouvelles, M. Castegan. Oui, la Xbox One aura atteint le 2 millions de consoles vendues en 18 jours. Je sais qu'ils ont atteint le 2 millions avec la PS4 aussi, mais je ne sais pas c'est en combien de temps exactement. Je m'en rappelle plus. On fera la recherche. Pendant la prochaine chanson, on fera la recherche pour regarder ça. Donc, en 18 jours. Oui, exactement. Et on apprend que depuis le lancement qui s'est passé le 22 novembre dernier, les consommateurs ont passé en moyenne, pas en moyenne, mais ont passé un cumulatif de 83 millions d'heures de jeux. En moyenne, 83 millions. C'est un léger lapsus, OK? Ben, léger. Donc, on peut parler quand même d'une console qui roule quand même bien pour un lancement. Mais je crois que qu'est-ce qui aide beaucoup les consoles de nouvelle génération, c'est le prix. Parce que rappelons-nous qu'on sent quand même un prix très abordable, si on se rappelle, les Xbox 360 et PS3 lors de leur lancement. Effectivement, c'était assez cher. Mais ça reste que je trouve que la Xbox One est un peu trop chère. Mais bon, ça... Oui, mais avec la Kinect, et en tant que tel, si tu ajoutes la... PlayStation Move, mais pas Move, mais Cam, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais l'équivalent de la nouvelle PlayStation Eye. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Et dans le fond, si vous achetez cette caméra-là, plus les accessoires pour toute la faire fonctionner, vous retombez à peu près au prix que la Xbox One coûte, mais ça reste que vous avez le choix ou non de le prendre. Tandis que la Xbox One, elle vient. Elle va prendre une différence de 100$. Oui. En tout cas. On va le voir en fin de semaine. Non, c'est ça. J'espère. En fait, on sait pertinemment, c'est que je me demandais si Eric allait avoir un jeu pour tester ça. On le sait tout, c'est quoi le jeu? C'est Christy, c'est Just Dance. pas sûr que... En tout cas, si j'essaye ça, il n'y aura aucune caméra d'allumée à part celle du Xbox One. Il devra se ramasser dans les bureaux de la NSA. Oui, on a appris ça cette semaine d'ailleurs, que la NSA, donc l'Agence de sécurité américaine, espionnait les comptes de jeux de MMO. Donc, joueur de World of Warcraft, faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites. Vous êtes observé. Écoutez, moi, j'ai toujours... C'est sûr que c'est toujours inquiétant, ces choses-là. Si Pierre-Luc était là présent, et avec son côté de gars sécurité puis de vie privée, il dirait, non, il faut faire attention, tout à fait raison. Mais en même temps, qu'on n'a rien à se reprocher... Qui sait, il va peut-être en parler la semaine prochaine. Qui sait? Ben oui, on vous rappelle que Pierre-Luc, notre expert en sécurité informatique, nous parlera pour sa chronique, sa dernière chronique de l'année, la semaine prochaine. Autre nouvelle, M. Castigan? Une date de sortie, un nouveau trailer pour The Elder Scrolls Online. Ouais, ça sort au mois d'avril, ça. 4 avril 2014 sur PC et Mac et juin 2014 pour les machines de Sony et de Microsoft. Ici, vous pouvez insérer aussi le nom PlayStation 4 et Xbox One. Ah ouais, sur Mac, c'est rare que je vois des dates de sortie Mac. Ben Bethesda et Blizzard sont des compagnies qui font souvent du multiportage. Ouais, je sais pas quoi penser. Hein. Tu sais, l'univers Elder Scrolls est tellement riche, est tellement intéressant au niveau des jeux qu'ils ont fait avant, Oblivion, Skyrim, Morrowind, ces affaires-là. J'ai peur que cette richesse-là ne soit que du vent, qu'un doux souvenir qu'arrivera la recette MMO et qu'on va se taper dessus à la World of Warcraft. Moi, je me dis qu'il aurait dû juste faire un nouveau Elder Scrolls et mettre un mode co-op. Comme qu'est-ce que le monde veut depuis des années. Ça serait tellement malade, là. Toi et puis moi qui joue dans Skyrim avec mon bonhomme qui est pas cheaté. Ouais, parce que t'auras pas le droit de cheater, là. Non, il est pas cheaté, mon bonhomme. Non. De quoi tu parles? Tu sais, c'est pas de trainer pantoute, toi. Hein? Non, pas dans Skyrim. Non, pas besoin dans Skyrim. Il y a les modes. Il y a les modes, mais il y a tellement une console qui est facile à utiliser. Ouais, mais il y a un mode qui rajoute la Leveler Tower qui permet de... Oui, aussi. Mais bref, ouais, c'est ça, la MMO de Elder Scrolls. Écoutez, on se prononcera pas avant de l'avoir vu, là, mais disons qu'on a des craintes. Pardon. Qui sait, on va peut-être avoir quelqu'un qu'on connaît qui va jouer, qui va pouvoir nous en parler, parce que moi, personnellement... Écoute, le trailer était malade. Moi, j'ai toujours dit, lancez-vous dans le film d'animation médiéval fantastique avec des animations comme ça. Ça va être malade, avec des bons avec les scénaristes de l'équipe de Bethesda. On pourrait faire des films écœurants. Mais là, non, on fait des mémos à la place. Là. Moi, je suis vraiment pas convaincu avec cette histoire-là. Mais bon. Moi non plus. Est-ce que tu as une autre nouvelle avant qu'on parte en musique, M. Castigan? Mais parlons de GTA V. Hourra! Rockstar a profité pour faire des annonces. En fait, l'histoire de Michael, Trevor et Franklin va reprendre en 2014 grâce à un DLC qui va sortir au courant de 2014 et qui va nous redonner l'occasion de retrouver Michael, Trevor et Franklin dans de nouvelles aventure à Los Santos. Il est noté ici que la nouvelle met entre parenthèses « mais », mais bon, pour mes aventures. mais... Et aussi, en même temps, en attendant l'année prochaine, Rockstar poursuit les mises à jour de GTA Online. Et cette semaine, les joueurs auront, par exemple, droit à l'arrivée de l'éditeur de Deadmatch et de course pour pouvoir permettre de créer ses propres parties avec ses propres obstacles et ses propres plein d'affaires. Je joue à toutes les semaines avec des amis. Hier, j'ai pas pu, là, je suis arrivé trop tard à la maison. Mais je joue à toutes les semaines depuis à peu près un mois avec des amis. C'est le fun, Grand Theft Auto Online, mais c'est vite redondant. Mais d'ailleurs, il y a un nouveau mode de mission qui va être ajouté en décembre et on appelle ça le mode capture. Okay. Qui va être du team deathmatch à 4 joueurs. Encore? Donc, non, t'as peu. Ouais. À 4 joueurs, donc dans le fond des équipes de 2, où il va falloir faire de la capture de territoire. Un peu comme... Ouais, c'est pas intéressant. Je veux dire, mettez-en des missions, on va défoncer des banques, tu sais, des patrons de même. Ça va peut-être s'en venir. Ils font des mises à jour progressives. Moi, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis ça au départ. Là. C'est le fun de faire des courses et des deathmatch, mais à un moment donné, ça revient vite redondant. Mais je me fais du fun pareil parce qu'on joue pas 6 heures par jour. Là. On joue une fois par semaine. Puis, tu sais, il y a quelques missions intéressantes. On a trouvé une, c'était vraiment le fun. C'est t'as deux gars qui se sauvent, puis les deux autres, ils courent après avec des F-16, je veux dire, avec des avions de chasse. Ben c'est ça, il y a toujours ces petites missions-là qui font leur apparition. Ouais, non, c'est pas ça. Mauvais, là, pas du tout, là, mais je suis content de voir qu'ils vont avoir un DLC qui s'en vient, parce que sans farce, les personnages de Franklin, Michael, puis Trevor sont vraiment solides. Puis en même temps, juste à le rappeler, que Rockstar sont, ma foi, très solides dans les solos, dans les DLC solos. Au niveau de GTA 4, on peut se rappeler de The Lost and Damned, qui rajoutait énormément de temps de jeu. Il y avait eu The Ballad of Gay Tony, qui était genre vraiment le DLC de GTA 4. Et sans oublier le très excellent le Undead Nightmare de Red Dead Redemption, qui faisait en sorte qu'on se battait contre des zombies et les chevaux de l'apocalypse. Faut s'attendre à quel prix? Est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de prix d'indiqué. Si je me fie à mon expérience passée, ça va jouer à entre 9,99 et 14,99. Mais ah, ça a bien de l'allure. Mais ça pourrait être plus de 20, tu penses? Tu penses que ça pourrait monter jusqu'à 20$? À mon avis, ça va dépendre surtout du temps de jeu qu'il va y avoir dans le DLC. Si je me dis, sérieusement, s'ils mettent autant de contenu que The Ballad of Gay Tony et ou encore Red Dead Redemption, je vous dirais que si, même s'il est à 20$, ça va valoir la peine. Parce que c'est vraiment des heures de jeu avec énormément de nouveaux contenus. Fait que si c'est dans ce genre-là, je vous dirais que non, c'est ça, moi, 20$ bien investi. Si je paye 20$ puis j'ai du contenu, j'ai des heures de jeu, ça me dérangera pas de dépenser le 20$. Ben c'est ça. Donc voilà pour Grand Theft Auto 5. Et M. Castagnan, il est temps de repartir en musique, cette fois-ci avec Anonymous et Les Anges dans nos campagnes. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Also Alexander. I'm Dual Ryan, also Ryan Roth. We made Starseed Pilgrim. And you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson d'Anonymous, Les Anges dans nos campagnes, version métal bien évidemment. Et on va finir notre émission, M. Castagnan, avec... Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Ben, premièrement, tu voulais pas qu'on fasse mention à notre nouveau dieu ludique dans la studio? Ben oui, on est arrivé tantôt. Il y a un nouveau dieu dans le studio de CJMD, le tout-puissant fax. Non, c'est parce qu'il est comme un pilier en bois. Il peut avoir un speaker dessus, normalement. Ouais, mais là, à la place, il y a un vieux fax débranché. C'est qu'on s'est dit qu'il y a peut-être d'autres animateurs, producteurs à CJMD qui ont décidé qu'ils avaient un nouveau dieu, qu'ils le vénéraient, puis c'était le tout-puissant fax. Alors, on prendra une photo, puis aller. Hail fax. Non, c'est ça, c'est n'importe quoi. c'est comme le toutou là, des geeks contre-attaque, l'ourson. Ouais, les autres, ils ont des oursons, nous autres, on a des fax. C'est ça, ils ont des oursons dans leur studio, nous autres, on a un vieux fax. Donc, chacun son combat. Donc, allons-y. Au moins, c'est pas un lutin. Non, effectivement. Une chance. Une chance. Il faut les laisser en liberté, les lutins. Le Père Noël en a besoin. Ouais, ben, bon, nouvelle ludique. C'était notre petit lapsus de fin d'émission. Tomb Raider. Ouais. Confirmé sur PS4 et Xbox One. Ho, ho, ho. Donc, on parle ici, dans le fond, d'une édition plus qui contient tous les DLC, dans le fond, un peu comme une édition Game of the Year. Et en plus, avec une version revampée, plus jolie du jeu, que l'on connaît déjà. Et il faut rappeler que... Déjà qui était côté vraiment visuel, hot. Malade. Là. Donc, il faut dire en plus que c'est Square Enix qui est en arrière de ça. Donc, ouais. Square Enix, ils sont bons dans quoi? Pour faire des graphiques qui torchent tout plein. Fait que ça risque d'être, ma foi, très intéressant. Très bonne nouvelle pour ceux qui viennent de s'acheter les nouvelles consoles et qui n'avaient pas le jeu. Là, sans faire, ça va être un pensez-y bien. Allez vous procurer ça, ça vaut vraiment la peine. Sinon, des quickies au niveau des autres nouvelles. Il y a eu, dans le fond, un fameux gala, dans le fond, les Game Awards, là, que je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du gala. Le VGX. Dans le fond, c'est le gala annuel où ils donnent, dans le fond, des prix pour les jeux de l'année et tout le kit. Mais il y a aussi des compagnies qui en profitent pour faire des annonces de nouveaux jeux. Et c'est le cas de Telltales, qui est, dans le fond, le studio qui est en arrière des excellents jeux d'aventure de Walking Dead. Ils ont fait deux annonces. La première, ils ont fait Telltale, ils ont annoncé Tales from the Borderlands, qui est dans une collaboration entre Telltales et Gearbox, qui vont faire un jeu d'aventure point and click dans l'univers de Borderlands avec des nouveaux personnages, des nouvelles histoires, et on va aussi voir les têtes d'affiche déjà connues de la série Borderlands pour ainsi aller approfondir l'univers que beaucoup de gens aiment de Borderlands et avoir le petit humour scient. Donc, jeu à regarder, qui devrait sortir au courant de l'année prochaine. Elle a confirmé pour version PC et Mac, et il n'y a pas eu de confirmation encore pour les consoles nouvelle génération ou 360 et PS3, mais ils n'ont pas écarté l'idée. Excellent. Et autre nouvelle, M. Castagat? Une autre nouvelle de Telltale Game. Ils ont annoncé qu'il y avait les droits de la franchise Game of Thrones pour faire encore une fois un jeu d'aventure point and click épisodique, dont dans le fond, on parle dans le fond avec des saisons, comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec Walking Dead. Donc, encore une fois, même principe confirmé sur PC, iPhone, Android et possiblement autre machine au niveau des jeux de Telltale Game of Thrones. Donc, à surveiller, studio qui est vraiment le vent dans les voiles au niveau des jeux d'aventure. Sinon, autre DLC qui a été annoncé, on parle ici d'un DLC pour Borderlands 2, le jour où Marcus a sauvé la Sainte Mercenaire. Qui, non, on parle pas de Marcus des deux snooze. Non. Ben peut-être, on sait pas. Pas sûr que Marcus est équipé pour sauver qui que ce soit. Là. Mais dans le fond, on parle d'un petit DLC spécial Noël qui va sortir, dans le fond, là, au niveau là, de Steam, qui va être au prix de 2,99$, devrait sortir le 17 décembre. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, si vous avez les consoles nouvelle génération, il y a eu cette semaine une mise à jour de la PS4 qui est sortie pour passer à la version 1.52. On parle d'un téléchargement d'approximativement 350 MB pour améliorer la stabilité de la console. Et une mise à jour également pour la Xbox One, qui est une correction pour la connexion Smart Glass, des problèmes de connexion multijoueur, le problème de notification, les performances dans le dashboard, la gestion de la télé et l'amélioration du pilote Wi-Fi. Écoute, c'est tout. Moi, maintenant, quand j'entends des choses comme ça, je fais « Ouais, on parle-tu de PC? » Non, on parle bien de console. Moi, je suis content de gamer PC. tellement plus de possibilités et des systèmes tellement plus. Mais d'ailleurs, stables. N'oubliez pas de faire votre mise à jour hebdomadaire Windows. Non, on ne commencera pas ça parce que ça risque d'être long. Ben surtout qu'il y en a à chaque semaine. Ouais. Merci beaucoup, M. Kasegan, pour ces nouvelles. À moins que tu en aies une rapide pour terminer, rapide, ou tu avais fini. Bon, j'avais fini. À part qu'on va faire un spoiler sur le film du Hobbit, il y a des nains. Il y a des nains dans le Hobbit. On tenait à vous le dire. Voilà, on a gâché le film. Merci beaucoup, M. Kasegan. C'est déjà la fin de Puissance Maximale. On vous prévient tout de suite, la semaine prochaine, très, très grosse émission. Nos suggestions cadeaux de moi et Andrew, de Éric Lajeunesse, on de Julien. On va essayer de le plugger dans l'émission. Ouais. Éric Lajeunesse va être là pour sa chronique bière et ses suggestions à lui aussi pendant sa chronique. Julien Materne est là également pour sa chronique BD Comics. On va avoir Pierre-Luc Pelletier aussi, en direct, en fait pas en direct, mais préenregistré des vieux pays pour sa chronique également. Donc, ça risque d'être une très, très grosse émission, notre dernière de l'année 2013. Donc, soyez présents la semaine prochaine, donc le 18 à 18h. Merci beaucoup, M. Kasegan, d'avoir été là. Toujours un plaisir. Mon nom à moi est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour écouter toutes nos anciennes émissions, nos podcasts, entrevues et autres. Rendez-vous sur Facebook. Puis peut-être qu'il va y avoir un cadeau de Noël de la part de Puissance Maximale aussi. On travaille de quoi avec les deux snooze, là? On va peut-être avoir de quoi. Ah ouais? Ben oui, ça implique des appareils mobiles. Ah oui, effectivement, un petit cadeau là, qu'on est en train de vous préparer. Là. Merci à Alex d'ailleurs de nous avoir proposé ça, ça s'en vient. Donc oui, c'est ça, Facebook, vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous nous trouvez facilement. Vous appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, et profitez-en pour partager la page de Puissance Maximale le plus possible afin de faire connaître l'émission à tous vos amis geeks ou non. Et allez faire aussi un tour sur la page de notre nouveau commanditaire. Yes, dépanneur tout prêt. Je viens de poster ça sur la page Facebook là, il y a quelques minutes. Allez regarder ça. Allez aimer leur page également. Et surtout, allez acheter de la bière. Le temps des fêtes est là. C'est le moment d'en boire. Puis en plus, c'est ça. Là, on chiale tout le temps qu'on manque de bière. Ben là, avec des grosses quilles, on a tout ce qu'il faut côté format. Et aussi les bières spéciales Noël. Ah, ben oui, c'est ça, il y a plusieurs microbrasseries qui sortent des cuvées spéciales, profitez-en. Donc, comme à chaque semaine, mesdames et messieurs, je termine l'émission en vous souhaitant une excellente semaine de jeu. Middle harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins. Till the day we one, two, three, four, die. CJMD FM, la radio qui s'implique dans sa communauté.